Depuis le temps que j'essaie de récupérer tous les péchés du monde pour les mettre dans une vitrine et les regarder à loisir. On y mettrait des bijoux dans cette vitrine pour attirer l'œil de tout le monde. Et cette nuit, on a dévalisé la vitrine. Ce jour-là, dans les bois du château de Plessis-Vallières, avait lieu comme tous les ans une chasse à cour. Pour divertir les nombreux amis de Monsieur Laberte, la veille j'y avais installé des cerfs et des chevreuils empaillés. Et la fée Carapace les a changés en vrai. C'est raté, c'est raté. Quand on s'énerve, on rate toujours. C'est raté. Quand on s'énerve, on rate toujours. Et la sève ne venait pas. Je retroussais encore plus vite, encore plus fort. J'imaginais la sève ne venait pas. Et la sève n'est pas venue. C'est raté, c'est raté. Quand on s'énerve, on rate toujours.